Pas de précipitation car je suis pas né de la dernière pluie. Si dans ma tête c'est le brouillard, c'est que je suis parmi de ma dernière cuite. La tête dans les nuages, avance, admirer le terrain vague. Avance la vie, me mettre des vents, je vais bien finir par tirer des rafales. Je pense des tournants en rond comme un poisson dans son bocal. Et si je suis d'autant sûr, c'est justement que ça sent l'orage. Dur de camoufler sa peur comme le visage d'Anthony Hopkins. Pour tout pensant de la gueule, fallait vivre autant de la guillotine. J'ai pas beaucoup de pif, quelques soucis normal tout en j'sais. Pas besoin d'un bourre-pif, j'en ai déjà un petit coup dans le zèle. J'ai de Dieu la patience et de la jeter au fond du bus. Si la journée, je suis dans la lune, c'est simplement que vive le jour me nuit. J'rêve doré d'argent, mais dorénavant j'attends plus. Il suffisait qu'il tombe des corps pour que sur ce thème j'ai la langue bien pendue. J'suis hanté par le passé. J'écris ce texte en guise d'au revoir. Si dans ma tête je me suis braqué, c'est que j'ai la prime, c'est pas la vie devant moi. Et puis les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses. Je m'éclate le crâne avant que ma tempête, je débarque. J'dégaine ma rengaine, c'est le calme avant la tempête. Je m'égare avant la trentaine, là je suis à bout. Et c'est plus dans mes cordes de tenir le coup. Je serai bientôt au soleil ou dans les faits divers, mais je veux sortir. Je m'éclate le crâne avant que ma tempête, je débarque. J'dégaine ma rengaine, c'est le calme avant la tempête. Je m'égare avant la trentaine, là je suis à bout. Et c'est plus dans mes cordes de tenir le coup. Je serai bientôt au soleil ou dans les faits divers, mais je veux sortir de ce trou. Ouais, la tempête arrive, mets-toi l'abri, crois pas que tes gants de couvent. 20 ans de pull, la facture est salée, je dépense au compte coûte. Le pédo c'est casse-gueule comme un vélo qui n'a plus de guidon. Tous bourrés sur Paris, y'a pas que la nuit, la pluie qui tombe. Trop d'orage, peu de soleil, j'avance sur une pente glissante. On peut rapper saoulé, tu sais qu'il y en a plus tranquille sans. Dans le rap, moi j'en ai qui vomit. Tu vas t'as de mon niveau, laisse-moi te dire que ça va prendre plus de temps qu'une girafe qui vomit. Moi j'attends pas qu'on m'adopte, vu que ma colère te baisse, on s'alcoolise comme un doc. Mais je crains pas le tonnerre de presse, la coque c'est dans le scène qui se la fout. Pour parler de crime, je pars écrit, je pourrais écrire que le ciel écrit, mais on esquive la foule. Ce monde est fou, je vois une guerre éclatée, déclapée, des buts. Plus haut que leur cul, ce son va faire fermer le clavier des buts. Rien qu'on dépite, je lâche un 16 mesures et tous les schlacs titulent. Tess et Davodka, c'est les patrons de la punchline qui tue. Plus je m'en dette, trop de rage, colère. En plus j'emmerde, c'est ta commère. Car flic enquête, tout ça je connais, qu'est-ce tu croyais? On a un éclair, t'es foudroyé, du regard, je m'écarte du poulailler. C'est le raz de marée quand je suis noyé, tu repars. On a pas de tsunami, on sous la vie, je déclenche le tsunami. Joue pas le bachelor, n'en crois pas que c'est de l'or qui se cache sous la mine. Les mille éléments se déchaînent de confiance dans le mille éléments. Non, non, mais les mots qui démêlent nos rimes, on dérive, faut qu'on s'assale à mal et puis qu'on emmène les nôtres. Je te lâche un flot, tu perds les os. Comme un grand canadaire, le rap c'est le zoo. On fait pas comme les autres, car aucun adhère. À notre style, on estime que 10 styles qu'on espite dans le district. Les vis brisent, y'a trop de donc à la tienne. Bon, tu t'avances, prends des vents. Mistral, litra, montagne et mise, crame et traîne en bas, où est-ce qu'il se trame, c'est grave mon crâne, l'histoire s'achève. On voit plus rien car c'est le brouillard tout de suite. Toi je l'ai pas des BZ, faut qu'on pétarde pour qu'un nuage. Je m'éclate le crâne avant que ma tempête, je débarque, dégaine ma rengaine, c'est le calme avant la tempête. Je m'égare avant la trentaine, là je suis à bout. Et c'est plus dans mes cordes de tenir le coup. Je serai bientôt au soleil ou dans les faits divers, mais je veux sortir. Je m'éclate le crâne avant que ma tempête, je débarque, dégaine ma rengaine, c'est le calme avant la tempête. Je m'égare avant la trentaine, là je suis à bout. Et c'est plus dans mes cordes de tenir le coup. Je serai bientôt au soleil ou dans les faits divers, mais je veux sortir de ce trou.